On va parler de soccer en ce samedi matin. Les chroniques du soccer, on a pris l'habitude de les faire le samedi matin. On a parlé avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Dan Radio Sport, salut Danny. Benoît, on va parler d'abord, c'est la grosse nouvelle. On ne s'est pas parlé la semaine passée. Évidemment, c'est la grosse nouvelle. C'est les débuts de Zlatan Ibrahimovic avec le Galaxy de Los Angeles, le Galaxy qui va affronter le Los Angeles FC. C'est la première rencontre de l'histoire d'ailleurs entre les deux formations de Los Angeles et ça promet beaucoup. Donc c'est un match historique pour la MLS. Moi j'ai hâte de voir comment Ibrahimovic va s'en sortir dans la MLS. Ben, 36 ans est-ce quand que même, là, mais il y a encore du bon foot. Il y a encore du bon foot, là. oui, ah oui, c'est un grand. Dans les 10 dernières années, Zlatan, ben, malgré sa dernière blessure avec le Manchester United, j'en ai justement parlé dernièrement, c'est que il arrive de Manchester United et puis on va se rappeler l'élimination avec José Mourinho là, dans les huitièmes de finale, la déception. Il n'était pas habillé, il était pas. Est-ce que sa blessure, est-ce qu'il est vraiment guéri cette saison? Il n'a pas joué beaucoup de matchs avec le Manchester, mais ça demeure Zlatan et je suis pas mal certain qu'il va avoir du succès. Je lui souhaite, parce que puis je souhaite aux équipes là, un peu partout dans la MLS, j'ai l'impression que. En tout cas, c'est sûr que moi, juste moi, je vais me faire un devoir d'aller voir son match à Montréal. Il vient le 21 mai, je pense. Puis le match, c'est spécial. C'est un match un lundi après-midi à 15 h. Ouais, ben ça doit Donc, être la journée de la fête des Patriotes. Hein? oui, je pense que c'est ça, oui. Oui, Puis c'est c'est comme. exact. Ce point que je pense, c'est ça. OK. Ben oui, parce que mettre un match un lundi à 15 h, c'est sûr, c'est Ouais. ça. Donc, oui, une belle venue en MLS. Puis. Est-ce qu'ils ont confirmé qu'il allait dans le 11 partant aujourd'hui? J'ai hâte de voir le match à 3 h, comme tu m'as dit. Présenté d'ailleurs à Fox et à TVA Sport 2. Donc, pour les gens Donc, qui se les. posent des questions, là, c'est voilà. Alors, intéressant à voir. J'ai hâte de voir le parcours que Ibrahimovic va pouvoir faire. Mais écoute, il y a une grande carrière derrière lui, là, le Suédois. Il a mis une croix sur l'équipe de la Suède. Par contre, on ne le verra pas à la Coupe du Monde en Russie cette année. Malgré que les Suédois, on ne pensait pas qu'ils allaient se qualifier quand même sans lui. Ils ont réussi à aller chercher leur qualification, on va se souvenir, contre les Italiens. La grande surprise là, dans les matchs de barrage. Maintenant, ben, ça va être intéressant de voir aussi Laurent Simon qui avec l'FC Los Angeles qui ont un Ben bon oui. début de saison. Donc, c'est un beau rendez-vous aujourd'hui sur les deux clubs de LA. Donc, à voir après-midi là, à 15 h, ça va être un bon match. OK. Maintenant, on va parler de l'Impact. L'Impact, qui sont à Seattle. Le Sounders de Seattle connaissent un début de saison difficile. Évidemment, eux, ils sont comme le Toronto FC. Ils ont été éliminés de la Ligue des champions de la CONCACAF dans leur cas cependant. Et ont perdu leurs deux derniers matchs. L'Impact qui va être à Seattle avec Cabrera et Silva. Pas Cabrera, mais avec Gamacho. Camacho et Silva dans leur formation. Deux nouveaux joueurs. Et c'est l'aide qui était quand même, il va faire le bienvenu, là. Oui, je pense que c'est vrai que le match est à Seattle. Par contre, en soirée à Devant une 22 h foule ce hostile, soir. parce que les Sounders, c'est la meilleure foule de la MLS, là, on ne se contente pas d'histoire. Oui, puis à un moment donné, ils vont remporter les matchs. Ce ne sera pas un match facile pour l'Impact ce Non. soir, malgré qu'on a des nouveaux venus. Un Il va y avoir congé de 2 semaines aussi, ça donne. Une adaptation à faire quand même. Et avec les deux nouveaux joueurs que tu as mentionnés tout à l'heure. Mais Rémi Garde. On l'a vu contre le FC Toronto lors de la seule victoire de l'Impact cette saison. Je pense qu'on est en droit de s'attendre à une belle saison là, de l'Impact de Montréal, malgré qu'on n'est pas. Ça confirme pas qu'on va aller se rendre dans les séries, mais je crois que ça va être intéressant de suivre l'Impact cette saison. Là. Avec les nouveaux venus qui arrivent, on voit qu'il y a du mouvement au niveau du club. OK. Donc, on va surveiller ça 22 h sur les ondes de TVA Sport. Le Toronto FC va jouer cette semaine. Hier, ils ont gagné contre le Salt Lake City dans la MLS. Ils vont commencer la Ligue des champions de la CONCACAF cette semaine. Et ça, est-ce qu'ils ont des chances sérieuses d'atteindre la finale? Ben, écoute, on sait qu'ils vont affronter le club américain. On se rappelle du club Ouais, OK. américain qui Le même avait club que l'Impact. le même club qui a battu l'Impact en grande finale, là, en demi-finale. Le match aller, donc, est à Toronto. Ils ont fait un tirage au sort, là. Je sais pas c'est quoi la règle qui a fait en sorte que le match a eu, c'était où le match aller. Sauf que là, le match est à Toronto le 3 avril prochain, donc c'est mardi. Un match très intéressant. Et ça va être le match retour qui va être la semaine d'après, le 10, donc au stade Azteca au Mexique. Ça va être le match retour. Donc on peut s'attendre à un beau duel. Là. Ça ne me surprendrait pas que le FC Toronto puisse passer à travers du Club América. Ils ont quand même un bon alignement. Altidore. C'est peut-être ce qui fait en sorte qu'ils ont de la difficulté un peu en championnat aussi. On va se rappeler l'impact, la saison, qu'ils se sont rendus loin. Ils avaient eu un début de saison laborieux, difficile en championnat, en MLS. Donc, c'est à voir. Et il ne faut pas oublier d'aller l'autre demi-finale avec les Red Bull et le Chivas de Guadalajara. Donc, ça va avoir lieu mercredi. C'est les Red Bull, hein, c'est ça? C'est... C'est le Red Bulls de New York. Donc, on a deux équipes de la MLS engagées en demi-finale et c'est assez rare que cela arrive. Là, quand tu vas voir un peu l'historique là, des Ligues des Champions contre CACAF. Donc, à surveiller les deux matchs aller cette semaine. Puis, il ne faut pas oublier qu'en Europe, c'est les quarts de finale aussi. Là. Oui. Donc, c'est les quarts de finale qui sont en Europe cette semaine. Quel match qu'il faut surveiller cette semaine? Alors, en Europe, les matchs à surveiller, 3-4 avril aussi, c'est les mêmes jours que le CONCACAF. Donc, Barcelone-Roma. Barcelone-Roma, je pense que Barça part largement favori. On a FC Séville, Bayern de Munich, FC Séville qui ont quand même surpris en éliminant le Manchester United. Donc, on devrait avoir un quart de finale intéressant aussi. Le Bayern, il ne faut pas les oublier. Selon moi, c'est dans les top 3, là. Je les mettrais pour la Ligue des Champions avec le Barça et le Real Madrid avec le Bayern. Et un grand rendez-vous aussi, là. Les derniers moments de Buffon avec le Juventus contre le Real Madrid. On va se rappeler que la finale, c'est le retour de la finale de l'an passé. C'était seulement un match, mais là, on est en match aller-retour. Donc, Juventus-Real Madrid à surveiller aussi. Et là, dans le dernier quart, ben, tu as le Liverpool qui a une belle saison devant eux contre le Manchester City qui domine dans le championnat anglais présentement. Là. Mm. OK. Et en terminant, tu veux me parler aussi de la Ligue des Champions. Pas la Ligue des Champions, mais faire un tour des championnats en Europe. Oui, ben si tu regardes, comme je viens de mentionner, en Angleterre, ben, c'est Manchester City qui domine un peu. Ils ont 16 points d'avance en première position devant le Manchester United, qui est en deuxième place. Et tu as Liverpool qui est en troisième. Donc, les clubs qu'on a parlé à la Ligue des Champions, Manchester qui a été éliminé en huitième. Et tu as Tottenham qui est en quatrième position. Et Chelsea qui tire de la patte un petit peu en cinquième et Arsenal en sixième. On parle des gros canons là, du championnat anglais. Si tu vas en Espagne maintenant, eh bien, à ce moment-là, c'est le FC Barcelone qui domine le championnat. Hein, c'est devant le FC Valence. Non, l'Atlético Madrid qui est deuxième. Donc là, ici, on parle de 9 points d'avance avec le Barça. Tu as le Real qui tire la patte en troisième position, qui a eu de la difficulté en championnat cette saison. Et puis, tu as Valence qui est en quatrième position. Et puis ça, si on s'en va par la suite en championnat en Allemagne, alors c'est le Bayern de Munich qui domine le championnat aussi, pas mal. On s'en va pour un autre titre encore avec le Bayern là, cette saison-là. On a, avec 27 matchs de disputés, on a quand même un 17 points d'avance sur le club de Schalke en deuxième position, qui, eux, ont causé une certaine surprise devant le Borussia Dortmund, qui sont en troisième position. On va aller en Serie A italienne, qui, selon moi, est quatrième plus relevé un peu. Alors là, présentement, en Serie A italienne, on arrive avec le Juventus qui s'enligne encore pour un autre titre consécutif. Je crois qu'ils en ont 6 ou 7 consécutifs. On sait qu'en passant le Juventus, Danny, ce sont eux qui vont venir jouer le match des étoiles contre les gens de la MLS cet été. Ça va être intéressant. On va se rappeler que l'an passé, c'était le Real Madrid. Alors, le Juventus domine en Serie A italienne avec un petit 2 points d'avance hein, contre le club de Napoli. Ça va être intéressant de voir la fin de saison. T'as l'AS Roma qui est en 3e position et l'Inter de Milan en 4e. Et si tu veux qu'on y aille un peu en Ligue 1 en France, alors présentement, malgré leur élimination peut-être un peu tôt dans la Ligue des Champions, c'est quand même le Paris Saint-Germain là, qui a 83 points contre 66 contre Monaco. Il faut rappeler que demain, justement, il y a un match intéressant, la Coupe de la Ligue. Mmh. Tu sais qu'en France, il y a le championnat, il y a la Coupe de France, où ce que là, ça réunit tous les clubs amateurs. Et tu as la Coupe de la Ligue, où là, c'est seulement les clubs pros qui se retrouvent dans ce ce mini-tournoi-là, si tu veux, là. Il y a la Ligue 1, il y a la Ligue 2 et il y a les autres ligues un petit peu plus bas aussi. La finale est demain, Paris Saint-Germain contre Monaco, un match intéressant à surveiller à Bordeaux, je crois, le match-là. Donc, ça fait le tour un peu des cinq grands championnats là, en Europe. Là. OK. Ben, Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer 5-5. On se dit un gros bonjour et on s'en reparle dans 2 semaines. Yes, salut Danny, bonne semaine. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer 5-5.